Là, c'est rendu qu'on parle des manifs à Québec hein, depuis quelques jours. Oui. C'est-tu juste parce que les négos ont lieu à Québec, d'après toi, ou c'est parce que le conflit vraiment se transporte à Québec et sort de Montréal? C'est parce que Gabriel Nadeau-Dubois chez vous, je pense. Ouais. Le trouble le suit. Je sais pas si tu le dis en joke ou t'es sérieux, mais moi, je vois, ça fait trois fois que Gabriel Nadeau-Dubois nous gratifie de sa présence à Québec, puis que ça a été médiatisé, puis les trois fois, la marre de pognée. Ben oui, la merde le suit, comme par hasard, tu sais. C'est sûr qu'à force d'en garrocher tout partout, tu finis par ça finit par créer de la tempête, ton histoire, et il réussit très bien. Là, il est à Québec, puis le bordel est en train de prendre.